Planète Rap. Allez, au revoir. Dans le micro, Chewbacca, mon frère. Libérez Manu en esprit. Ah, c'est pour de vrai, vous enfoirez dans la maison. On est ensemble, les frères. Hein? Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. En esprit. Carlos Gambinos. Allez, t'es chauffant. Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. Carlos Gambinos. J'ai un coffret, des grosses raids bas, la veut un meudage, demande un JB consommateur d'amnésia, je me barre au Tibet pour faire ce qu'il a renoucha. Ici règne des lance bas, des micros dans des mouchoirs, les feux que sont fils comme des cafards. Coup de fil perquise dans ton patard, reste l'enfoiré que des lyrics de bâtard. Prends des poucas dans l'aveca, le petit mica prend de la meca. J'ai vu l'avocat dans un repas, 2-3 megas dans mon G-Square. 2-3 megas dans mon G-Square, 2-3 que je reste dans un petit square. Carlos Gambino, je suis quelque part, tu connais déjà la fin de l'histoire. Quand Totorina dort au Mita, les Corleone jouent la guitare. Quand Totorina dort au Mita, les Corleone jouent la guitare. Carlos Gambino, je suis quelque part. Carlos Gambino, je suis quelque part. Quand Totorina dort au Mita, le studio va le voir. Carlos Gambino, Carlos Gambino. Carlos Gambino, Carlos Gambino. Carlos Gambino, Carlos Gambino. Saint-Nigui. Carlos Gambino, les esprits. Carlos Gambino. Le petit revient sur le terrain, plus derrière que la dernière fois. Il te l'a remise déjà deux fois, plus confiance à qui que ce soit. Même ta daronne perd son que ça, et ta reste perd c'est peu ça. Façon les petits leur est-ce que ça, deux trois que si dans une cocha. Ils souviennent de moi comme au cocha, ici sur le rein t'es personne veut le coacher. Les grands sont scotchés, de trois verres de scotch, j'suis dans la rue d'un scotch. En hostie, pesé comme un DJ quand you c'est l'opané. Ouais, on t'en prend programmé tous les mois, toute l'année, de façon on est cramé. Quand Totorina dort au Mita, les Corleone jouent la guitare. Quand Totorina dort au Mita, les Corleone jouent la guitare. 92-390. Carlos Gambino, je suis quelque part. En esprit, en esprit. Carlos Gambino, Carlos Gambino. Carlos Gambino, Carlos Gambino. Ouais. Carlos Gambino, Carlos Gambino. Libérez Mani, c'est sérieux. Libérez Six. Carlos Gambino. Jason, Carlo, Libéné Mugacapo, Macramégué, Carlos Gambino, Sogo, Carlos Gambino. Est-ce qu'on a quelqu'un dans le studio planétaire? Carlos Gambino, Carlos Gambino, Carlos Gambino, en esprit, en esprit, en esprit, allez, mon chou, c'est pour les vrais, les frères, dédicacé, dédicacé à Zoï, Malsain, Théo, Lain, c'est pour les vrais, c'est pour les vrais, on est ensemble. Train, Villeneuve-la-Garenne. Hey, qu'est-ce que t'es? C'est pour tout le monde. Il Saint-Nigui, libérez mon gars Sourigui. En esprit, en esprit, c'est pour tout le monde, les frères, vas-y, j'ai oublié des places, désolé, je suis cuit, sa mère, en esprit, putain. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.